Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du nouveau volet d'Harry Potter, nous retournons à l'école des sorciers. Orphelin, Harry Potter a été recueilli en bas âge par sa tante Pétunia et son oncle Vernon, deux abominables créatures qui depuis 10 ans prennent un malin plaisir à l'humilier, le houspiller et le malmener. Harry ne s'attend pas à recevoir le moindre cadeau pour ses 11 ans. Et pourtant, cette année-là, une lettre mystérieuse lui parvient. Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi ? Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au Collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous rejoindrez vos condisciples. Bonjour les enfants et bienvenue à votre première leçon de vol. Tendez la main droite au-dessus du balai et dites « Debout !» !»« Debout ! Debout !» Waouh ! Tu as vraiment cette cicatrice ? Fantastique. Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Les premières années doivent savoir qu'il est strictement interdit de pénétrer dans la forêt. Il me paraît évident que vous ferez de grandes choses, Monsieur Potter. Harry Potter à l'école des sorciers, en DVD Blu-ray Warner Home Video.